Moko na moko a mitu na lelo Zogi solo ezali kati na ye Tango zalaka yo moko Mosika na miso abato yo yebi Yo zali nani Deko tuzwa ekate lilelo Topo na libela, nzambe nini toko sala Soki nzambo ya mokili po na baentere Soki nzambo ya biblia po na lobiko na yo Solo pebo moyo Po ya misa nzambe Limo na kapartu ndeko Kwa kubomba na te Po ya yebinyo soyo ezalie Tango, tout le cas, va solution, n'a pas problème, n'a biso. Tout le monde, au nom de Jésus. Comme on a Yesu, tout y est bien. C'est bien. Jésus est mon corps, tout y est bien. Ah, gloire à Dieu. Hein? Jésus-Christ a dit cherchez d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et l'ingi koloban de kolanga. Oui, tu vivras. Aussi, tu aimeras. Plus que toi-même. Comme on a Yesu, tu y es bi. Yesu y est mon corps, tu y es bi. Tu vois qu'à l'île, on a Yemo Sika. Mbeba mingi to tambu saka. Bon, moi, il n'a bichou. L'olégué à mon kiri. Comme on a Yesu, tu y es bi. Yesu y est mon corps, tu y es bi. Naebi suka mukilio ezape nkolo Mimoni sapolele kati na bana na yo Komo na Yesu to yebi Yesu ye moko to yebi ete Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous dans le royaume des cieux Mais celui la seule qui fait la volonté de mon Père Qui est dans les cieux Matthieu chapitre 7 Verset 21 De qui l'île au banaye A keba De miko satène Soki to sale li l'île au bate To yebi yesu te Komona yesu to yebi C'est vrai Yesu yebi yete Tout ce que vous voulez Que les hommes fassent pour vous Faites les deux mains pour eux Kala mingi te Yesu azozonga, iyo na ngai ndeko, akoyeba biso, to milengela.